ce matin, ça s'intitule processus graphique, processus mentaux. Donc trois personnes ont progressé. On a commencé avec Christian Guéry, qui est BRCNRS, donc qui est chercheur et enseignant en neurosciences à l'université de Aix-Marseille. Je poursuis mon introduction. Comment c'est ça là. Dire que je suis, et je me répète un petit peu, pour dire que je suis là donc, à l'invitation de Daniel, je vous remercie évidemment au passage, pour donner un peu l'éclairage des neurosciences, un éclairage qui soit articulé avec les thématiques de présentation et de la réflexion développée au cours de ce colloque. Alors, avant de parler de plasticité cérébrale, puisque c'est le domaine de recherche qui est le mien, je vais faire quelques petits rappels qui pourront être toujours certains sur l'organisation générale du fonctionnement du système nerveux. Est-ce que, au fond, du système nerveux central, du cerveau, au fond, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ou est-ce que je dois un peu forcer sur l'autre? Ça va? Alors, pour commencer, vous savez qu'on a l'habitude de séparer le cerveau en deux hémisphères, avec un hémisphère gauche qui est plutôt un hémisphère présenté comme un hémisphère analytique avec un traitement séquentiel des informations qui est en charge des processus déductifs, de la logique, de l'analyse, de tout ce qui relève de l'argumentation. Et puis un hémisphère droit qui lui a un fonctionnement plus global, plus holistique, plus intuitif, qui est en lien avec les impressions, le ressenti, les raisonnements un peu analogiques. Et en fait, cette spécialisation qui relève d'une sorte de répartition des ressources, que j'appellerais un processus d'allocation de ressources neuronales, et il se fait au cours de la maturation. Il faut savoir que pendant la maturation du cerveau, il y a redondance des compétences entre les deux hémisphères, qu'à mesure que la maturation se met en place, eh bien on a une spécialisation dans chaque hémisphère. Il ne faut certainement pas imaginer que ces deux hémisphères sont complètement déconnectés. D'ailleurs, ça correspond à un syndrome, bien écrit en neuropsychologie, un ensemble de symptômes. Donc en fait, ces deux hémisphères sont en dialogue permanent. En gros, et pour faire la caricature, si j'étais privé de mon hémisphère gauche, je ne pourrais pas vous parler à ce moment. Mais si j'étais privé de mon hémisphère droit, je vous parlerais comme un robot, sans intonation, sans émotion, vous voyez. C'est un petit peu ça pour faire un peu la caricature, mais pour vous donner une image. Alors, la spécialisation fonctionnelle, c'est un principe d'allocation, d'optimisation des ressources neuronales, on peut le voir comme ça, avec des régions qui sont principalement dédiées, ben ici par exemple, à la gestion des mouvements, il y a l'organisation, la commande et la coordination. Ici, les régions responsables de l'intégration des messages cutanés, ici proprioceptifs, donc sur les positions du corps, les articulations, sur l'étirement des muscles, ici sur l'audition, la vision, et ici dans les régions frontales, préfrontales, les fonctions que l'on dit exécutives, tout ce qui est de l'ordre de la planification, de l'anticipation, de la déduction, du jugement, etc. Alors, ça c'est la localisation. Jean Vendurie nous alertait hier sur le risque de néo-localisationnisme, de nouvelle phrénologie. Il faut savoir qu'en fait, ces régions-là ont des frontières qui sont complètement mouvantes. Il y a déjà à la frontière une superposition, mais ces frontières sont mouvantes, elles sont malléables tout au long de la vie d'individu, et notamment, elles sont modelées, ces erreurs-là, en fonction du vécu, en fonction de l'expérience d'individu. Et c'est déjà une marque de la plasticité du cerveau. D'autre part, c'est les aires, par exemple, les aires primaires, comme visuelles, ou les aires du cutané ici, qui sont considérées comme des aires primaires. On a longtemps pensé que c'était des aires exclusivement primaires, c'est-à-dire ne traitant que des informations visuelles, des informations cutanées. On sait aujourd'hui qu'il y a des convergences plurimodalitaires même dans les aires primaires. Donc il faudrait repenser cette notion-là de localisation, de régionalisation fonctionnelle dans le cerveau. Et puis il y a des choses très élaborées dans le fonctionnement du cerveau qui concernent l'émergence de la pensée, l'articulation de la pensée, la créativité, la spiritualité. Et là, on serait bien en peine aujourd'hui, même si des gens des chercheurs s'attellent à cette tâche qui a quelque chose d'un petit peu ridicule, entre guillemets, mais de chercher à localiser des fonctions aussi complexes qui, à mon sens, sont multilocalisées, sont distribuées dans un cerveau dynamique. Mais c'est un autre débat. Donc attention à la limite donc, des localisations strictes. Alors, assez récemment, et grâce aux techniques de tractographie, ce sont des techniques qui permettent de s'intéresser à l'orientation des molécules d'eau dans le cerveau. Vous savez que le cerveau est composé à peu près à 80-90% d'eau. Et ces molécules d'eau, en fonction de leur degré d'isotropie ou d'anisotropie, donc isotropie, c'est-à-dire qu'elles se dirigent dans toutes les directions possibles de l'espace, ou anisotropie au contraire, elles ont tendance à s'aligner dans une certaine direction, une certaine direction de l'espace, eh bien, on peut, en s'appuyant sur l'orientation de ces molécules-là, déterminer de manière probabiliste. Ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des fibres, mais c'est la probabilité que ces fibres soient bien présentes ici. Donc, les autoroutes de la formation, la substance blanche, le câblage au sein du cerveau. Et là, vous voyez par exemple ici, vue de face, on voit dans un hémisphère le rayonnement de tous ces faisceaux de fibres qui assurent un maillage local, régional et distant dans le cerveau et qui même permet de mettre en relation les deux hémisphères. Vous voyez, ça c'est à l'intérieur d'un hémisphère et les deux hémisphères. Vous voyez ici, c'est cette espèce de pelote, comme une pelote de laine multicolore. Eh bien, vous avez le maillage, le réseau de fibres qui permet la communication à l'intérieur de chaque hémisphère et entre les hémisphères. On voit bien le pontage ici entre les hémisphères. Je vous disais tout à l'heure, dialogue entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Mais là, vous avez le support, on va dire, anatomique de cette communication interhémisphérique. Mais quand on parle du cerveau, il ne faut pas oublier qu'il y a des rythmes dans le cerveau. Il y a la rythmique des activations. Ce sont des ondes qui sont résultent de l'activité cohérente de milliers de neurones. Et les rythmes qui sont produits par cette activité spontanée, eh bien, ils permettent un assemblage en réseau dynamique des différentes régions qui sont impliquées dans une fonction particulière. Et on peut même dire que ces ondes cérébrales sont une signature des états de conscience. On voit ici, par exemple, que les ondes gamma, qui sont dans une gamme de fréquences qui varie entre 35 et 80 Hz, sont très impliquées, enfin, ne sont pas impliquées, mais sont contemporaines. Elles sont corrélatives d'un état mental qui est la résolution, une forte concentration pour la résolution de problèmes, par exemple. Les ondes bêta, qui sont celles que l'on peut enregistrer chez quelqu'un qui a l'esprit occupé, actif, mais pas hyper concentré. Et puis les ondes alpha, qui correspondent à une réflexion, on va dire, une réflexion qui est active, mais en même temps, on est dans un état de repos, même de relaxation mentale, si vous voulez. Puis les ondes theta, plus lentes encore, qui traduisent un état de somnolence. Ces rythmes sont intéressants, puisqu'ils peuvent aussi être, dans leur désorganisation, la signature de certaines pathologies. Alors le cerveau, c'est une entité dynamique, c'est un organe très complexe, dynamique. Les régions fonctionnelles que j'ai montrées tout à l'heure ne sont pas des entités statiques, je le répète. Elles n'ont pas de frontières strictes. Ces régions sont assemblées en réseau dynamique, hein, pour faire le sommaire de ce que je viens de dire, et elles sont façonnées par l'expérience. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant à travers un certain nombre. Alors, avant de parler de plasticité, il faut vous rappeler, pour ceux qui ça serait nécessaire mais inutile, comment fonctionne la communication dans le système nerveux. Vous avez un point de départ, on va dire, qui est ici un neurone qui est actif, qui reçoit des informations à partir d'autres neurones. Vous avez le corps cellulaire, vous avez ici l'arborisation des dendrites, qui forment ces arborescences touffues, et puis un axone qui est entouré d'une gaine, c'est la gaine de myéline. Et ça, c'est important, j'en reparlerai tout à l'heure. Plus cette gaine forme des enroulements importants autour de l'axone, et plus la vitesse de propagation de l'influx nerveux est élevée. Et puis, vous avez ici, au bout de l'axone, une terminaison axonique, des embranchements, qui vont permettre le contact avec d'autres neurones, des neurones voisins, soit sur le corps cellulaire lui-même ici, sur le soma, ou bien sur des dendrites. Et à ce niveau-là, il y a des points de contact qu'on appelle les synapses. Et donc l'influx nerveux va transiter, va ici, donc sous forme de train de potentiel bioélectrique, Et quand ce potentiel arrive ici au bout de la terminaison d'axone, eh bien, on a ces petites vésicules qui contiennent un médiateur chimique, un neurotransmetteur, qui va être libéré. On va donc avoir une transformation d'une information bioélectrique en information neurochimique qui, à son tour, va exciter le neurone avec lequel il est en contact pour générer des potentiels d'action qui se propagent comme ça de neurone en neurone. Maintenant, comment le cerveau se renforce? Et là, on touche à la notion de plasticité. Donc, je vais vous décrire le parcours. La neuroplasticité, elle se manifeste déjà par un changement d'efficacité des synapses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information ici, qui va transiter entre un neurone et un autre au niveau des synapses, aura une efficacité, un poids qui sera plus ou moins important en fonction de la quantité de neuromédiateurs qui sera synthétisé, libéré aussi dans l'espace synaptique, le nombre de récepteurs sur la surface postsynaptique qui vont être activés par ces molécules. Et la neuroplasticité, en premier lieu, s'exprime par des modifications, des modulations d'efficacité de ces contacts synaptiques. Il y a, justement, à ce sujet-là, Ed, en 1949, qui a énoncé un principe qui a été démontré par la suite. Neurons that fire together, wire together. C'est-à-dire que des neurones qui ont tendance à être coactivés vont voir leur connexion se renforcer. Si on extrapole un petit peu, quand des neurones s'activent simultanément, et j'insiste, de manière répétitive, en réponse à un événement, leurs connexions vont se renforcer et ils s'associent en réseau plus efficace. Attention, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que la neuroplasticité, ce n'est pas seulement le renforcement des connexions synaptiques, ça peut être aussi l'affaiblissement de ces connexions. Donc, neurons that fire apart, wire apart. C'est-à-dire, quand des neurones ne s'activent plus simultanément en réponse à un événement, eh bien, leurs interconnexions s'affaiblissent et les liens entre les régions du cerveau qui sont ainsi désynchronisées s'affaiblissent. La neuroplasticité, alors pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pour mettre ça en exergue par rapport aux... C'est comme des clés de compréhension des expériences que je vais vous montrer tout à l'heure. La neuroplasticité s'exprime aussi par un remodelage de la morphologie des neurones. Vous voyez ici, ce petit carré ici, si on fait un zoom à l'intérieur, on voit un neurone avec des dendrites et puis des petites épines ici. Et quand on regarde ça de plus près, ces épines, ce sont en fait des lieux de contact synaptiques. D'accord ? Et il y a un turnover, un renouvellement permanent de ces épines dendritiques dans le cerveau, avec des échelles de temps qui peuvent varier de quelques heures à plusieurs jours ou plusieurs mois. Donc vous avez des épines qui se forment, qui soit se maintiennent, soit disparaissent, et puis d'autres épines vont se former à la place, etc. Vous avez un renouvellement permanent qui est modulé par la stimulation, par l'expérience, par le niveau d'excitabilité et de niveau d'activation des réseaux de neurones. La modulation de la morphologie s'exprime pas seulement au niveau des épines dendritiques, mais aussi au niveau de l'arborisation des dendrites elles-mêmes. Et ça a été démontré avec des paradigmes d'enrichissement où on a placé dans les années 70 des rongeurs ensemble dans des environnements stimulants, ou même par la suite chez les petits singes. Donc des environnements qui stimulaient les interactions du sujet avec le milieu et des interactions sociales avec les congénères. Et ce que l'on a remarqué, c'est que cet enrichissement du milieu induit une prolifération des arborescences dendritiques et une multiplication des épines et donc des points de contact synaptiques. Donc plus un neurone traite de l'information et plus il transforme son anatomie pour être capable d'intégrer cette information-là. A l'inverse, lorsque l'animal est placé dans un environnement dit appauvri, c'est-à-dire qu'il est isolé, voire même stressé, eh bien on a un élagage de cette arborisation magnétique et une diminution du nombre d'épines. Donc moins le neurone est sollicité, moins il est actif, et plus sa morphologie s'adapte finalement à ce niveau faible d'activité par une transformation adaptée de sa morphologie. Et ça a été démontré dans toutes les aires sensorielles, motrices du cerveau, et même les aires cognitives. Alors, venons-en à la pratique des arts, on se prend un peu dans le vif du sujet. Vous voyez ici, par exemple, que dans cette situation, le peintre, le cerveau du peintre est extrêmement actif et de multiples fonctions sont impliquées ici. Vous avez bah, la vision déjà, forcément, hein, la vision, le toucher, la palette ici, les informations sur la proprioception, l'attitude, la position de, des membres, position du corps. Vous avez l'imagerie mentale qui est convoquée, vous avez aussi les souvenirs, vous avez la créativité qui se met en œuvre, vous avez un cerveau qui globalement est très très actif et fait appel à un grand nombre de ressources. Il s'agit donc d'une expérience multisensorielle, motrice, cognitive, émotionnelle et que je qualifierais même de mouvante. Ce n'est pas du tout un état stable, c'est un état qui évolue au cours du temps. Alors, depuis quelques années, un certain nombre d'études se sont intéressées à la pratique musicale, pratique de l'instrument de musique, et à l'impact de cette pratique sur l'organisation du cerveau. Ici, par exemple, Elbert et collaborateurs, en 1996, se sont intéressés au cerveau des violonistes. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans les zones qui traitent du toucher, des informations cutanées chez ces violonistes, en particulier celles qui représentent l'auriculaire, qui est souvent en contact avec les cordes, de manière répétitive, intense, eh bien ces zones-là sont en expansion par rapport à la représentation des autres doigts de la main dans le cerveau. En expansion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un plus grand nombre de neurones, des populations de neurones plus importantes sont recrutées pour traiter ces informations sensorielles particulièrement importantes. Donc vous avez une allocation de nouvelles ressources neuronales pour traiter ces informations. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modifications-là, eh bien, elles sont d'autant plus importantes que les musiciens ont appris, jeunes, ont appris très tôt la maîtrise de l'instrument de musique. Donc, on voit qu'ici, à partir de 13 ans, au-delà de 13 ans, début d'apprentissage, eh bien, on a des effets qui sont atténués. On a aussi un plus grand volume de matière grise dans les aires auditives des musiciens. Ça a été observé avec un volume d'autant plus grand que l'âge d'entraînement hein, à la musique, à la maîtrise de l'instrument est précoce. Donc on a un lien entre l'expérience, la pratique, et puis ce plus grand volume de matière grise. Plus grand volume de matière grise, ça veut dire plus de neurones et aussi plus de cellules gliales qui ont été évoquées hier, comme souvent le grand absent des discours. Les cellules gliales sont des cellules qui jouent un rôle extrêmement important, c'est un peu la logistique, si vous voulez, des neurones, c'est-à-dire qu'elles jouent un rôle trophique, elles apportent notamment tout ce qui est la source d'énergie pour le neurone, sous forme de lactose, et puis des nutriments, elles sont donc importantes, elles sont aussi impliquées dans la neurotransmission. Donc elles jouent un rôle fonctionnel très important. Autre dimension de la plasticité, c'est que les voies corticospinales, celles qui partent du cortex moteur, qui vont vers les motoneurones de la moelle épinière, motoneurones qui commandent la contraction des muscles, eh bien, ces voies-là sont aussi modifiées. Vous avez ici, toujours en termes de probabilité, hein, de présence de ces fibres, chez l'enfant non musicien, on voit ces projections-là, ces faisceaux. L'adulte non musicien, on voit que les faisceaux sont un petit peu plus denses, et l'adulte musicien chez lequel on a une densité de faisceaux qui est beaucoup plus importante. Donc il pourrait être la signature de la pratique, c'est-à-dire, n'oubliez pas, chez le musicien, il y a une nécessité d'exécution des mouvements de la main, notamment, exécution rapide, une coordination entre les deux mains, une finesse, une très grande précision dans le placement, le mouvement des doigts. Donc, si vous voulez, ça appelle eh bien, que les influx nerveux soient traités d'une manière particulière. Et cette augmentation de densité, elle peut traduire différentes choses. Elle peut refléter une augmentation de la myélinisation. Ça peut être aussi de la cohérence spatiale des fibres, le diamètre des axones, etc. Alors, il n'y a pas que les aires du toucher qui sont modifiées chez le musicien. Vous avez aussi les aires auditives qui présentent une expansion chez les musiciens par rapport aux non-musiciens. Les aires auditives, les aires du mouvement, et vous avez aussi l'augmentation des connexions entre les hémisphères. On va revenir sur cette notion tout à l'heure. Mais pas seulement, vous avez également des modifications dans l'hippocampe, que ce soit au niveau de l'intensité des activations, ou même au niveau structurel, c'est au niveau de la densité les cellules nerveuses dans les zones antérieures de l'hippocampe, qui est une structure, comme vous le savez, très impliquée dans la mémorisation. Ce sont des modifications rémanentes ou temporaires pendant le... Non, ce sont des... Bon, là, je n'ai pas la diapo ici, mais ce sont des modifications qui peuvent s'installer après quelques heures de pratique et qui disparaissent si la pratique n'est pas maintenue. Et si la pratique est maintenue, bien au fil du cumul de la pratique, on a une consolidation de ces effets et une stabilisation. Et si le musicien s'arrête de pratiquer, au bout d'un certain temps, eh bien on a un retour à un état initial, si je puis dire. Donc la plasticité, c'est bien la concordance entre, on va dire, l'expérience au sens large, hein, qui se traduit par des flux sensoriels, des flux moteurs, et puis l'allocation de ces ressources neuronales. La communication interhémisphérique, ça c'est intéressant, donc les deux hémisphères communiquent à travers ces réseaux de fibres que j'ai montré tout à l'heure. Plus les musiciens sont entraînés tôt, et plus cette connectivité est dense dans le corps calleux, qui est cette structure qui fait la jonction entre les deux hémisphères. Et on a donc une anisotropie qui est importante, c'est-à-dire que les fibres ont tendance à être orientées dans la même orientation, avec une cohérence spatiale importante, plus importante chez ceux qui ont commencé la pratique de l'instrument tôt. Ici, c'est early versus late, trained musicien, donc musicien entraîné plus tardivement, chez lesquels il n'y a pas trop de différence avec les non-musiciens. Vous voyez qu'on a un marquage anatomique chez ceux qui ont été entraînés tôt. Tôt, c'est ici, on voit l'âge, c'est un peu avant 5 ans. Un peu avant 5 ans, donc dans cette étude, ça allait de, on va dire, 4 ans à peu près, 3-4 ans, jusqu'à 16-17 ans. Donc ça, c'est l'empente de l'âge, et on voit bien ici qu'on a une anisotropie qui est plus importante chez ceux qui ont commencé l'apprentissage très tôt. On a des modifications de la substance blanche, hein, donc on vient de voir ici entre les deux hémisphères, mais ça a été également observé en 2010 au niveau de la faisceau arché, qui est un tractus audiomoteur, c'est-à-dire des fibres qui mettent en relation des aires motrices et des aires auditives. Là, vous avez l'exemple d'un pianiste de 65 ans versus un non-musicien du même âge. On voit une plus grande densité de fibres chez le pianiste. Vous allez me dire, peut-être, mais au fond, il y a peut-être une... On peut imaginer qu'il y a un certain déterminisme génétique, une certaine prédisposition chez ce pianiste-là, qui a fait que, eh bien, anatomiquement, fonctionnellement, il était prédisposé à la pratique du piano. Et ce que l'on voit ici, c'est ce déterminisme génétique. Effectivement, ça nous ramène au vieux débat, au débat ancien qui a animé la communauté scientifique et même la communauté, on va dire, de tous ceux qui s'intéressent au lien entre nature et culture, avec cette idée de est-ce que c'est plutôt la nature qui est présente, est-ce que c'est la culture qui va transformer ce que la nature a prévu dans le patrimoine génétique. Pour sortir de ce débat qui est un peu stérile, c'est probablement les interactions entre nature et culture. Et posons-nous la question ici, est-ce qu'il y a moyen d'y répondre? On peut expérimentalement tenter d'apporter des réponses. Ici, vous avez un enfant de 8 ans, à gauche, donc toujours ce faisceau, ce tractus audiomoteur. Sans pratique d'instrument de musique, on a scanné son cerveau à 2 ans d'intervalle. Vous voyez ici qu'il n'y a pas vraiment de modification dans l'organisation anatomique de ce faisceau. Si on regarde maintenant le cerveau d'un enfant de 8 ans, avant et 2 ans après l'entraînement musical sur l'instrument à cordes, avant et 2 ans après, on voit ici des transformations que l'on pourrait imputer, si on veut chercher une relation de causalité, eh bien, au fait qu'il y a l'enfant à pratiquer cet instrument de musique, qui serait donc à l'origine de... Et la demande fonctionnelle étant extrêmement importante, à l'origine de ces transformations. Donc ce besoin d'une communication importante, dense, rapide, entre les aires auditives et les aires motrices. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans les aires auditives, chez quelqu'un qui a appris un morceau de musique, c'est pas un musicien très expérimenté, il a appris un morceau de musique. On voit que, à l'écoute, cette fois-ci, il ne joue plus, mais à l'écoute du morceau de musique, on a les aires auditives qui sont activées. Par contre, chez le les aires auditives qui sont activées ici en vert. Par contre, chez le pianiste entraîné, à l'écoute, simplement à l'écoute, on a non seulement les aires auditives, mais les aires motrices qui sont activées. Comme si le pianiste rejouait mentalement le morceau de musique. Donc on a un lien fonctionnel, là, entre les aires prémotrices, les aires impliquées dans l'exécution du mouvement, dans l'anticipation, dans la planification, et les aires auditives. Vous avez un réseau fonctionnel qui s'est établi, qui s'est consolidé, et donc il y a cette représentation dans le cerveau des actes moteurs qui peuvent accompagner l'écoute de la musique. Alors, si on cherche à mieux comprendre ce couplage fonctionnel, eh bien, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle en état de repos. En IRM fonctionnel, en imagerie par résonance magnétique, on s'intéresse aux activités chez le sujet qui ne réalise aucune tâche. Alors, bon, entendons-nous, le cerveau n'est jamais totalement libéré d'une activité mentale. Hein. Mais la consigne, c'est de ne penser à rien. Et là, on regarde les activations qui sont corrélatives, les activations qui sont liées. Et ce qu'on observe ici, c'est entre l'aire prémotrice dans l'hémisphère droit et l'aire auditive primaire, eh bien, on a un couplage fonctionnel qui est plus important chez les musiciens par rapport aux non-musiciens, au repos. Et vous voyez qu'en fait, on a donc ce couplage fonctionnel qui est d'autant plus marqué, d'autant plus prononcé que l'expérience, que la pratique la pratique cumulée est importante. On voit le nombre d'années d'entraînement ici. On voit donc que cette connectivité fonctionnelle se consolide avec la pratique. On observe également ici, chez les non-musiciens, cette ellipse bleue, c'est ici cette zone elliptique de couleur rose ou rouge pâle, eh bien ça ce sont les musiciens. On voit qu'on a une densité de matière grise dans l'air auditif qui est plus important chez les musiciens. On a des modifications anatomiques et fonctionnelles et des modifications fonctionnelles à état de repos. C'est-à-dire que ces réseaux-là sont synchronisés même au repos. Ils l'ont été probablement par la pratique. Ce couplage fonctionnel s'est établi par la pratique. Et le fait qu'il soit déjà là au repos va sans doute faciliter la mise en activation de ce réseau quand il s'agira de pratiquer avec un instrument de musique. Et ce qui est également intéressant comme observation, donc ça c'est une étude récente, hein, 2017, les régions sensorimotrices qui contrôlent les mouvements de la main, eh bien, sont beaucoup plus entre main gauche et main droite, sont beaucoup plus indépendants, ils sont beaucoup moins liés fonctionnellement chez les musiciens que chez les non-musiciens. D'accord ? C'est-à-dire que l'indépendance entre main gauche et main droite, qui est en quelque sorte une nécessité dans la pratique de l'instrument de musique, eh bien, se traduit par un découplage fonctionnel au repos entre les zones qui justement traitent, qui gèrent le mouvement des mains de main gauche et de main droite. Ça fait déjà une demi-heure ? Donc, mais je suis pas très loin de la fin. Et ce qui est également notable, c'est que si on met en relation les différentes structures entre elles qui forment une constellation d'activités, eh bien, et si on s'intéresse par exemple ici à l'insula, les liens entre l'insula et cette jonction temporo-pariétale ici, où là on a la mémoire auditive qui est un peu traitée de façon importante, et puis ici les activations émotionnelles, quand on s'intéresse à ce couplage, mais on voit que ce couplage, il est d'autant plus important que la pratique musicale est également importante. Les habiletés graphiques, je vais quand même rapidement dire un mot sur les habiletés graphiques. Donc on s'intéresse chez un groupe de graphistes qui développe une certaine habilité à reproduire des formes, et bien avec des scores. Hein, ici, bon, là, vous avez un score qui est pas très très bon, ici un score qui est bien meilleur. On met en relation le score et puis ce que l'on peut observer dans le cervelet. Le cervelet, c'est une structure dont j'ai parlé, mais elle joue un rôle très important dans la coordination des mouvements, dans le contrôle postural et dans la coordination entre l'œil et la main, notamment. Vous voyez que là, ici, c'est important, coordination entre l'œil et la main, dans l'habileté graphique. Et également, on a un volume de matière grise donc plus important dans cette zone-là et dans l'aire précuneus qui est impliqué dans l'imagerie visuelle, qui est évidemment aussi à l'œuvre dans cette tâche-là. Alors je passe ici, Et j'essaie de rester dans le timing qui m'est imparti, on a déjà un peu de retard au départ, pour simplement vous rappeler les notions que j'ai évoquées. Donc la neuroplasticité sous-tend un processus d'allocation des ressources neuronales. Le cerveau se structure en réseaux anatomiques et fonctionnels qui sont façonnés par l'expérience. Et ces réseaux sont consolidés par l'apprentissage, ils sont entretenus par la pratique et constituent donc un substrat neuronal des performances sensorimotrices et cognitives. Voilà un petit peu le take-home message que je voudrais vous laisser à la fin de cette présentation, en vous remerciant de votre attention. Alors, nous remercions Christian Thierry pour nous avoir éclairé sur le fonctionnement du cerveau, sur la question de la plasticité, le rôle de l'expérience, sur la neuroplasticité.